Bonsoir. Je ne suis pas Bernard de Montréal, je suis François d'Alancic. Non, mais c'est pas évident comme ça de prime abord, ça saute pas aux yeux. Lui aussi porte des lunettes. Ça fait que c'était peut-être pas nécessaire de le préciser, mais comme il y a de nouvelles personnes qui sont là ce soir, avez-vous remarqué, blague à part, là, que tous les grands esprits, ceux qui sont capables d'aller plus vite, plus loin, plus haut, là, ils ont tous des noms qui finissent par AR, ARD. Regardez, de Montréal, Bernard, Daniel Ménard, Normand Pinard, même De Vinci, Léonard. Vous savez? Il va falloir que je change de nom. D'un cycle, ça sonne comme une maladie honteuse, ça. Ouais. Qui souffre d'un cycle aigu. Cachez ça sous la couverte, docteur. Je vais voir, il y a un spécialiste en guématrie ici dans la salle, là, qui s'occupe de la vibration des noms, là. Je vais lui demander qu'elle me compose un nom, qui finisse également en art, quelque chose comme, Adhémar. Adhémar sans retard. Tiens, ça serait moi. Oui, là, je pense que j'ai atteint mon niveau d'incompétence, là. Syndrome de Peter. À propos de syndrome, j'ai appris avec stupéfaction, dernièrement, de la bouche d'une jeune étudiante de l'Université de Montréal, que Bernard de Montréal était un sujet d'étude chez les psychologues à l'université. Savez-vous comment ils l'appellent? Le syndrome B. Elle me contait ça. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui qualifie le syndrome B? Alors, elle m'a dit cette incroyable prétention qu'il a de vouloir répondre à toutes les questions sans passer par la hiérarchie, par tout ce qui a été établi, par le corpus, des docteurs, etc. Ah, je dis, ben, tu diras à ton professeur que lui, il est atteint du syndrome S. S pour Salieri. Vous savez, celui qui a mis 30 ans à crever de jalousie devant le talent et le génie de Mozart. Alors Salieri, lui, de toute sa vie, il est passé à côté de l'événement en voulant le nier. Et cette semaine, j'ai relu avec intérêt un livre de Nietzsche, le philosophe allemand, dont le titre est Par-delà bien et mal. Et dans un chapitre intitulé L'esprit libre, il y a la réponse que je voudrais dédier là-dedans de la part de Nietzsche à ces docteurs de l'université qui ont baptisé Bernard le syndrome B. Voilà la réponse de Nietzsche sur l'esprit libre. Tout esprit profond a besoin d'un masque. Je dirais plus, un masque se forme sans cesse autour de tout esprit profond parce que chacune de ses paroles, chacun de ses actes, chacune de ses manifestations est continuellement l'objet d'une interprétation fausse, c'est-à-dire plate, en français dans le texte. Et il conclut comme ceci, les plus grands événements et les plus grandes pensées se font comprendre le plus tard. Les générations contemporaines de ces événements ne le vivent pas, mais passent à côté. Il se produit quelque chose de semblable au royaume des étoiles. C'est la lumière des plus lointaines qui parvient aux hommes le plus tard. Et avant qu'elle leur soit parvenue, il nie que là-haut, il existe une étoile. Combien de siècles faut-il à un esprit pour être compris? Voilà aussi un critère et qui permet d'établir une hiérarchie dans un domaine où on en a besoin, celui de l'esprit et des étoiles. On accueille Monsieur Bernard de Montréal, un esprit libre. Bernard, bonsoir. Vous avez entendu le préambule. Est-ce que ça suscite des commentaires de votre part?